archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi gros. .org. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bah, on est très heureuse de vous retrouver cette nouvelle année avec Archi Radio. Donc, c'est la deuxième édition de Archi Radio au festival Archipel de 10h à midi, tous les jours. Et cette année, on est une équipe un peu augmentée par rapport à l'année passée. Puisque de l'année passée, il y a encore Rudy Desselières, Jonathan Frigieri qui n'est pas là aujourd'hui mais qui nous retrouve dès demain, et Antoine Leng. Et beaucoup de collaborateurs, de collaboratrices, chroniqueuses, chroniqueurs, donc Camille Lepage et Sonia Perrego qui sont avec nous maintenant, bonjour. Mais aussi, ce qu'on connaît de l'année passée, Doris et Vincent de Roguin, mais aussi Mélia Roger, Jérémy Chevalier et Attila Faravelli. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde et on vous a concocté cette année plein de nouvelles petites chroniques, rencontres, interviews, jeux. On se réjouit. Et puis, salut Antoine. Salut. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur le programme de cette matinée. Alors, cette matinée sera rythmée par toute une série de rendez-vous qui seront réguliers tout au long de cette longue semaine. Et puis ce matin en particulier, nous aurons comme invités Denis Schuller et Marie Janson qui viendront nous parler des grandes lignes du festival qui vient de débuter, avec Léo Collin qui arrivera lui à 11h25 sur la plage pour nous parler de chorale et du collectif international Totem qui a ouvert hier soir cette édition. Et pour commencer, on vous propose d'écouter une petite création de Camille Lepage et Sonia Perrego, qui est un petit résumé de la journée d'hier. Un petit peu, ouais, parce qu'il y a la coco, et puis c'est la coco qui arrête un peu le dulce de leche. Et puis, bonne chance. Yes. Merci. C'est un joli travail, ça. C'est pas mal. C'est un petit cube. Too much. Passe au four un petit moment parce qu'il faut qu'il soit crémeux. On va faire ce qui s'appelle un crémage, c'est de battre le beurre ramolli avec les sucres. Donc il faut que tu fasses des cubes, tu t'allumes le four, on les passe. Et lui, je peux le passer au four. Divine. Une heure. Je vous invite à l'écoute du premier son mystère de cette année. Vous pourrez appeler au numéro suivant 078 244 57 54 à 11h10 pour, enfin, à la suite de cette écoute pour donner vos suggestions et participer au concours du son mystère qui vous permettra peut-être de remporter une place pour le concert de ce soir. Et du coup, c'est le son qui nous a été fourni par qui ? Par Caroline Profonder. Ok, on l'écoute. Merci Caroline pour ce son effectivement très mystérieux. Moi, j'ai peut-être une idée. Je me réjouis de savoir, vous, ce que vous en avez pensé et puis d'avoir l'avis des auditeurices à ce sujet-là. On continue tout de suite avec la chronique de Doris et Vincent de Roguin. Pour cette première chronique, Doris était à Bruxelles et Vincent était au Festival Archipel. Donc, et elles se sont parlé par ordinateur interposé de l'album de Clara Lévy, 13 visions. Et on écoute tout de suite.